بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, je pense qu'on était rendu à l'endroit où l'imam Shafi'i, rahimahullah, a expliqué que إذا صح الحديث فهو مذهبي. C'est-à-dire, si le hadith est authentique, alors ça c'est ma position, c'est mon point de vue, c'est mon opinion, c'est mon madhab, c'est la position que j'accepte et que je suis. Donc si vous avez trouvé un de mes jugements qui est contraire à ce hadith, laissez tomber le hadith et suivez le hadith. Laissez tomber mon opinion et suivez le hadith. Et pour un peu pour faire un retour sur le sujet sur lequel on est en train de parler, c'est qu'on est en train de parler du shirk dans l'obéissance. Et ça consiste en deux points principaux, c'est l'obéissance des ulama et des umara. C'est-à-dire des ulama, c'est l'obéissance aux savants de l'islam et l'obéissance aux dirigeants politiques. Et ça, c'est dans le sujet de ce qui concerne qu'est-ce qui est halal et haram. C'est-à-dire, on ne doit pas obéir aux savants ou aux dirigeants dans s'ils essaient de nous rendre halal ce qui est haram, ou s'ils essaient de rendre haram ce qui est halal. Parce que le fait de légiférer, de rendre halal ou haram, c'est un des lois qui appartient uniquement à Allah. Et donc, de croire que quelqu'un d'autre que Allah a le droit de rendre quelque chose légal ou illégal, sans preuve du Coran et de la Sunna, alors ça devient un acte shirk si on croit que c'est permis de les suivre ou de les obéir dans ces choses-là, d'accord? Et donc, l'imam Shafi'i, il a été très strict sur ça, et même l'imam Malik, et Abu Hanifa, l'imam Ahmad aussi, même tous les imams de Ahl Sunnah, ils ont toujours été stricts là-dessus. Sur le fait qu'on ne doit jamais mettre leur parole à eux au-dessus de la parole d'Allah et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils étaient très respectueux vis-à-vis de la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se fâchaient si quelqu'un remettait le hadith en question ou les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam en question à cause de l'opinion de leur chef. D'accord? Et par exemple, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a eu, durant sa vie, deux madhhab. Il a eu le madhhab, je crois, quand il était en Irak. Et quand il est allé en Égypte, il a changé beaucoup de son madhhab. Et c'est pour ça que dans le madhhab Shafi'i, il y a le madhhab al-qadim ou le madhhab al-jadid. Ils appellent ça comme ça, comme l'ancien madhhab et le nouveau madhhab. Parce que madhhab, c'est, disons, les opinions d'un savant. Ce point de vue, en se basant sur le hadith, et le Coran et le hadith, les ijtihadat que le alim a fait, les déductions qu'il a fait en se basant sur ça, sur certaines situations ou certaines questions de l'islam, et bien ça s'appelle ses opinions, puis on appelle ça en arabe son madhhab. Et le madhhab, si on regarde linguistiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un chemin. D'accord? Le madhhab, c'est l'endroit où quelqu'un passe. Alors, quand on dit le madhhab d'un alim, c'est-à-dire son opinion. Et ça, c'est traduit souvent dans les livres, comme en français, comme ils disent les écoles de pensée, ou les écoles de jurisprudence. Souvent, vous allez voir ça traduit de cette façon-là. Mais c'est pas vraiment des écoles. Parce que, en fait, en réalité, les imams auxquels ces écoles-là sont attribuées, ces madhhabs sont attribués, eux-mêmes n'ont jamais eu l'intention de faire des écoles. C'est-à-dire, ils n'ont jamais dit, bon, je vais écrire un madhhab, et puis je vais demander aux gens de le suivre. C'est pas arrivé de cette façon. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça aussi. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est des ulama qui étaient parmi les grands ulama et qui enseignaient à leurs élèves. Leurs élèves écrivaient leurs opinions. Et les hadiths qu'ils citaient et les explications de ces savants-là, ils les mettaient sur papier, les notaient. Et puis, après leur mort, ils allaient et ils partaient les enseigner ailleurs, à d'autres parties du monde. Et donc, parfois, certains des khulafas ou des dirigeants qui régnaient à cette époque, eh bien, parce qu'ils aimaient un certain chef, ou un chef en particulier par exemple, ils décidaient que ce serait ce chef-là, son mazhab à lui, qui allait être utilisé comme pour juger dans son pays à lui, ou dans la partie du monde musulman où il régnait. Alors ça devenait comme une chose qui était appliquée partout par les chefs. Et étant donné que les savants respectaient beaucoup ces grands ulama, et ils avaient un grand respect pour eux à cause de leur piété, à cause de leur science, à cause de leur savoir, alors ça devenait quelque chose de répandu parmi les musulmans, puis avec le temps ça s'est transmis, puis à un certain moment donné, bon, c'est ça qui a été dommage, c'est que les musulmans sont limités uniquement à ça, c'est-à-dire ils ont commencé à se limiter uniquement au madhab et à laisser tomber les preuves du Coran et de la Sunna. Alors qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les musulmans commençaient à se diviser selon le madhab. Ah, moi je suis maliki, je fais la prière comme ça. Ah, l'autre il dit, moi je suis hanafi, je fais la prière comme ça. Hein? Et on en a déjà parlé, je pense, dans des cours précédents, mais c'est que à un certain moment donné même, il y avait des disputes entre les madhabs. Par exemple, les hanafis, ils disaient, un chef ne peut pas marier une hanafia, mais un hanafi peut marier une chafiïa, ou des affaires comme ça. Hein? Donc, parce que eux disaient, ben selon leur madhab, faire la prière de telle façon, c'est permis, mais pour nous, s'il manque cette condition-là, la prière n'est pas acceptée, et donc, d'après nous, ces gens-là, ils ont des erreurs, on ne peut pas accepter ça. Donc, ils commençaient à faire des disputes, même à certains moments, certains musulmans de madhab ne voulaient pas prier derrière les musulmans de notre madhab. Parce que, par exemple, ils disaient, bon, eux, ils ne respectent pas certaines de nos conditions, ou des choses comme ça. Et ça, c'est des choses que les ulama même auxquels ces madhabs sont attribués ont toujours interdit et ont toujours averti les musulmans de ne pas tomber dans ces choses-là. Mais malheureusement, c'est arrivé à certains moments de l'histoire. Et puis, c'est pour ça que, alhamdoulilah, il y a toujours eu des ulama qui sont venus pour ramener les gens aux bases et pour dire la source de l'islam, la base de l'islam, c'est de suivre le Coran ou le Sunnah. Et puis s'il y a des différences, on doit respecter le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il explique. Il dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'atum fi shay'in, farudduhu ila Allah wa al-Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawm al-akhir, zalika khayrun wa ahsanu ta'wila. » Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô les croyants, obéissez à Allah, et obéissez aux messagers, et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, si vous vous disputez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez à Allah et au jour dernier. Et après, Allah dit, ce sera meilleur pour vous et une meilleure conclusion. Meilleure explication. Et puis, si on réfléchit un peu sur le sens de cette ayah, on va comprendre que Allah, dans le verset, il commence par dire, on est croyants. C'est-à-dire, il s'adresse à ceux qui croient à Allah. Et après, il dit, obéissez à Allah. Et il répète encore le verbe obéissez devant le messager, assis à Allah, obéissez à Allah, obéissez au messager. Mais quand il dit et aux gens qui détiennent l'autorité parmi vous, il ne répète pas le verbe d'obéir à l'impératif. Et donc, à partir de ça, les ulama, ils ont dit, quand Allah il mentionne les gens qui détiennent l'autorité, il n'a pas mentionné devant leur nom. Devant ce nom, le verbe obéir à l'impératif. Alors ça, ça implique que l'obéissance à autre que Allah et son messager est limitée par ce qui est dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire, Allah nous ordonne d'obéir aux gens qui détiennent l'autorité parmi nous, c'est-à-dire les ulama et les savants, et les ulama et les hukam, les dirigeants. Mais s'il nous ordonne quelque chose qui est contraire à l'islam, on ne doit pas les obéir. C'est pour ça que Allah n'a pas répété devant Ulil Amri Minkum, il n'a pas répété le verbe atir pour dire d'obéir. Donc ça veut dire leur obéissance est limitée par l'obéissance d'Allah et de son messager. C'est la même chose par exemple pour une femme, si son mari lui ordonne de faire quelque chose qu'Allah a interdit pour son messager, eh bien elle n'a pas le droit de l'obéir. Ou la même chose pour un enfant vis-à-vis de ses parents. Si les parents demandent aux enfants de faire quelque chose qui est interdit dans l'islam, alors dans ce cas-là, l'enfant n'a pas le droit d'obéir. D'accord? Donc ça c'est un des principes de l'islam. Et après, Allah il dit, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Si vous avez une dispute en quoi que ce soit il y a des grandes questions de la religion, ou des questions plus spécifiques qui sont plus simples, okay, ou que ce soit des choses de la dunya, ou que ce soit des choses de la religion, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَحَمْتُوللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Ramenez ces disputes-là ou ces divergences-là à Allah et à son messager. Hein? Ça, c'est une ordre d'Allah. Et les ulama de tafsir, ils ont dit, ramenez les divergences à Allah et à son messager, c'est-à-dire à Allah, c'est au Coran, et au messager, c'est-à-dire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort. Hein? « كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. » Et donc, Allah, il met une condition, après c'est « Si vous croyez en Allah et au jour dernier. »« كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. » Donc, c'est-à-dire ceux qui ne ramènent pas leur dispute à Allah et à son messager, eh bien, ils ne sont pas vraiment croyants à Allah et au jour dernier. C'est une condition dans la foi. Hein? Donc, ça c'est l'attitude des ulama. Et qu'est-ce qu'ils font les ulama quand ils ont une divergence? S'il y a une différence d'opinion, eh bien c'est ce qu'ils font. Ils retournent au Coran et à la Sunna et ils essaient de trouver une opinion qui est plus proche de la vérité et ils la suivent. C'est ça la façon que les ulama ont fait. Et comme je vous avais donné l'exemple la dernière fois avant de partir, on avait cité l'exemple de lorsque l'imam Malik, rahimallah, non, pas l'imam Malik, je m'excuse, mais c'est un rapport avec le madhhab Maliki, c'est pas l'imam Malik. C'est que lorsque quelqu'un rentre à la mosquée, lorsque l'imam fait son khutbah, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui est rentré en retard, ou qui est rentré après le début du khutbah, et qui s'était assis sans faire deux rak'at, il a dit, est-ce que tu as fait deux rak'at? Et l'homme a dit non, alors il a dit, lève-toi et fais deux rak'at. Donc, il a fait deux rak'at. Mais dans un hadith, un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, lorsque quelqu'un d'entre vous entre et que l'imam fait son khutbah, alors qu'il fasse deux rak'at qui sont rapides. C'est-à-dire, il ne doit pas prendre trop de temps pour les faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. Il ne doit pas s'asseoir avant d'avoir fait deux rak'at lorsqu'il rentre dans la mosquée. Donc ça c'est une chose qui est connue dans les hadiths et tout ça. Malgré tout ces preuves, il y en a des, dans les livres de Mazhab al-Maliki, il y en a des ulama qui ont dit que quand tu rentres dans la mosquée, et que l'imam fait le khutbah, tu ne dois pas faire deux rak'at, tu dois t'asseoir. Donc ça c'est contraire à ces hadiths-là. Mais bien entendu, ils ont certains arguments qu'ils amènent, comme par exemple l'argument de dire que lorsque l'imam fait le khutbah, et que toi tu viens et que tu fais deux rak'at, et bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de parler durant le khutbah, donc si tu fais deux rak'at, tu déranges, ou bien tu sais comme si tu fais quelque chose, au lieu d'écouter, alors il ne va pas le faire. Sauf que, on peut voir clairement dans ce cas-là qu'il est possible de mettre les deux hadiths ensemble. C'est-à-dire de voir que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas parler durant le khutbah et de ne pas parler ou de ne pas être occupé à faire autre chose, et c'est un ordre qui est général, sauf que si tu rentres et que tu dois faire deux rak'at, il a spécifié que si l'imam est en train de faire le khutbah, tu dois faire ses deux rak'at. Donc, il y a l'ordre général et il y a un ordre qui vient spécifier quelque chose de plus précis. Donc, tu dois prendre en considération ces deux hadiths-là ensemble. Pas seulement prendre un et laisser l'autre de côté, pour, comme si en réalité tu essaies de faire contradire un hadith avec l'autre. Et beaucoup de musulmans font des erreurs comme ça dans les compréhensions des hadiths ou des ayats dans le Coran, parce qu'ils frappent un hadith contre l'autre, alors que yani, les deux hadiths ne sont pas en contradiction. Mais c'est qu'il y en a un qui est plus spécifique et un autre qui est général. Et donc, c'est de cette façon-là que yani, certains ulama essaient de réconcilier des hadiths qui apparaissent contradictoires. D'accord? Et puis, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres moyens aussi, mais yani, là, c'est juste pour montrer cet exemple-là en particulier. Après, on avait vu l'exemple de l'imam Shafi'i lorsqu'il a dit إذا خالف قولي قول قول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي أرض الحائط. Donc si ma parole est contraire, est en contradiction avec la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, lancez-la contre le mur. يعني laissez tomber ma parole et utilisez la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد رحمه الله il dit je suis étonné de voir certaines personnes qui ont connu l'isnad, ils ont connu la chaîne des narrateurs d'un hadith. Dans chaque hadith, nous on ne les mentionne pas parce que yani, ce n'est pas vraiment une nécessité pour nous. Mais yani, pour les savants du hadith, quand ils mentionnent un hadith, ils mentionnent tous les narrateurs qui l'ont rapporté jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'imam Ahmad il dit, je suis étonné de voir des gens qui ont connu l'isnad du hadith. Ils savent tous les narrateurs qui ont rapporté ce hadith yani, et jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils connaissent son authenticité, c'est-à-dire ils connaissent l'authenticité du hadith. Mais malgré ça, ils laissent ce hadith et ils prennent l'opinion de Sufyan al-Thawri, un autre des grands imams de cette époque. Hein? Après, le cheikh il dit, Wallah, يقول والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ok, alors il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de ça, à propos de ceux qui laissent tomber la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils savent, mais qu'ils doivent la suivre et qu'ils suivent quelque chose d'autre, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils fassent attention ceux qui contredisent son ordre, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une fitna, mais qu'une épreuve les touche ou bien un châtiment douloureux. Et la fitna, dans cette verset, c'est le shirk, qui risque de tomber yani, sur eux dans leur cœur et les égarer parce qu'ils contredisent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam intentionnellement et ils suivent la parole d'autres que lui. Après, le shirk, il mentionne une parole d'Abdullah ibn Abbas. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Et ça nous montre vraiment comment les ulama et comment les salaf parmi les sahaba et ceux qui étaient après eux, comment ils avaient une honneur, un amour pour la sunna et une jalousie pour la sunna. Par exemple, on voit Abdullah ibn Abbas qui dit yani, je crains que des pierres tombent du ciel sur vous. Je vous dis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose et vous me répondez Abu Bakr et Omar ont dit, en voulant dire, comment vous pouvez me répondre quelque chose alors que je vous dis c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. C'est comme aujourd'hui, souvent ça arrive à quelqu'un qui lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Et là, il se répondit, oui, mais Cheikh Soufiane, il a dit telle chose. Il dit, subhanallah. Hein? Donc là, Abdullah ibn Abbas, qui est un des Sahaba, il répond ça, mais à propos d'Abu Bakr et Omar, la même chose. Et je pense que c'était une question sur le Hajj. Certaines personnes demandaient, est-ce qu'on doit faire le Hajj Tamattu ou bien le Hajj Qiran ou un autre Ifrad. Il y a trois sortes de Hajj qu'on peut faire, Tamattu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours incité à faire le Hajj Tamattu. C'est-à-dire, tu fais le Hajj, quand tu arrives là-bas, tu fais l'Umrah et tu enlèves ton Ihram. Et là, tu attends au premier jour de Hajj pour remettre ton Ihram. Mais il y a une autre sorte de Hajj. Quand tu mets l'ihram, tu dois la garder jusqu'à la fin. Tu enlèves pas ton ihram. Et puis, il y en a un, celui qui est à tamattu, tu dois égorger un animal. L'autre, tu n'égorges pas. Mais sauf que, je pense que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait pas fait le hajj à tamattu. Sauf qu'il a dit aux gens, faites le hajj à tamattu. Et donc, Ibn Abbas, il disait aux gens de faire le hajj à tamattu. Mais les gens répondaient, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit telle chose. Et c'est pour ça que Ibn Abbas leur répondait, comment vous pouvez, vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit, et moi je vous dis, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, alors vous devez laisser tomber les autres opinions et suivre la parole que je vous dis, parce que ça vient du messager d'Allah. Donc on ne doit pas mettre la parole de quiconque devant la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est Abu Bakr et Omar. Alors que dire de ceux qui mettent la parole d'un des quatre imams, des quatre madahib, qui sont plus petits en piété et en savoir que Abu Bakr et Omar, et qui sont moins savants dans l'islam que Abu Bakr et Omar. Et si on avait dit que de faire des madahib, c'était une chose qui était obligatoire dans l'islam, comme certains musulmans, il y a certains parmi les musulmans, parmi certains groupes, qui déclare que si une personne ne suit pas un des quatre madahib, il est kafir, selon eux. Il y en a parmi les musulmans qui vont jusqu'à cet extrême. D'accord? Parce que pour eux, l'islam se limite à ça, et c'est une chose établie. Malgré qu'il n'y a aucune preuve dans le Coran, ni dans la Sunna, qu'il y a quatre madahib. Il n'y a aucune preuve qui limite les madahib à quatre. Il n'y a aucune preuve qui distingue lesquels des quatre mazahib on doit suivre. La seule ordre qu'Allah nous donne dans le Coran, c'est de suivre le Coran et la Sunna. C'est ça l'ordre qui est dans le Coran. C'est pas de suivre l'opinion de tel ou de tel ou de tel chef. Et s'il devait y avoir des mazahib, les premiers qu'on aurait dû prendre leurs opinions et tout, ça aurait été les opinions des Sahaba, puisque ce sont les plus savants après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré tout, aucun des Sahaba n'ont pris en note les opinions des autres sahaba pour dire on va les suivre après. Les seules paroles qu'ils ont pris en note pour garder après, c'était les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Après, le cheikh Fawzan, il mentionne une autre citation du cheikh Abdurrahman ibn Hassan, celui qui a expliqué le livre Fathul Majid. Fathul Majid, c'est le livre l'explication de Kitab al-Tawhid de Muhammad bin Abdul Wahhab. Donc, il dit, فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به وإن خالفه من خالفه. Donc, le Cheikh il dit, donc, l'obligation de chaque personne qui est pubère, c'est-à-dire il a atteint l'âge de la puberté, qu'il a sa raison, c'est ça que quand on dit al-mukallaf dans l'islam, c'est une personne qui a ses conditions. Il a atteint l'âge de la puberté, il a sa raison, et une troisième chose, non. En tout cas, disons que c'est les plus importants, mais il y en a une autre, mais je ne me souviens pas. Dans ce cas-là, il est responsable de ses actes. Donc, c'est ça, al-mukallaf, pour lui, ça devient obligatoire à ce moment-là de respecter les ordres d'Allah. S'il n'est pas encore pubère, il est encore un enfant, et pour lui, ses actions ne commencent pas encore à être écrites. Et s'il a perdu sa raison, ou s'il dort, c'est ça. celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est un enfant jusqu'à ce qu'il ait sa puberté, et celui qui a perdu sa conscience jusqu'à ce qu'il regagne son esprit, il est épargné. Mais en ce qui concerne les autres sont tous mukallafun, c'est-à-dire ils seront tenus pour compte. Alors il dit, lorsque cette personne-là, la preuve du Coran et de la Sunna lui vient, eh bien qu'est-ce qu'il doit faire? Et lorsqu'il a compris qu'est-ce que ça signifie, il a compris la signification de qu'est-ce que Allah lui ordonne dans le Coran et dans la Sunna, alors il doit s'y arrêter. C'est-à-dire il doit s'arrêter à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et il doit agir en conséquence. Même si, peu importe qui d'autre l'a contredit ou a fait le contraire. C'est-à-dire il ne doit pas regarder qui l'a contredit dans ce qui vient du Coran et de la Sunna. Par exemple, on va dire que tu as compris un hadith et un verset du Coran, ça t'est venu et c'est clair, et tu l'as compris selon ses règles, ses principes, et bien peu importe quiconque a fait le contraire, et bien tu ne dois pas t'y attarder et tu dois suivre le Coran et la Sunna. Après le cheikh il dit, il a un qal, فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتاب الله إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إليه يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة متابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها وتمييز الصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il a expliqué ici, c'est très intéressant. Et puis en même temps, ça m'a fait rappeler que je dois mentionner un point important aussi, c'est que lorsqu'on mentionne à propos des ulama qu'ils ont fait par exemple des erreurs dans leur ijtihada ou dans les points qu'ils ont expliqués de l'islam, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça ne veut pas dire qu'on les dénigre, et ça ne veut pas dire qu'on leur manque de respect, et ça ne veut pas dire non plus qu'on les rabaisse dans leur niveau. Même si, par exemple, on peut dire, parce que certaines personnes, si on leur mentionne au sujet d'un alim, par exemple, et on leur dit que ce que le alim a dit, c'est une erreur, eh bien, peut-être que quelqu'un va dire, bon, est-ce que toi, tu connais mieux que ce alim? Par exemple, souvent, quelqu'un va demander ça. Cette position du cheikh, par exemple, de tel imam, elle est contraire au hadith ou au Coran. Eh bien, il te répond et il dit, est-ce que toi, tu connais mieux le Coran que, ou le hadith que tel imam? C'est sûr que je ne connais pas, ou quelqu'un d'autre ne connaît pas mieux le Coran ou le hadith que cet imam. Sauf que cet imam, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper. D'accord? Et pas seulement ça, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il connaît mieux le Coran que cet imam. Et nous, on se base sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est de cette façon, qu'on peut comprendre que c'est pas pour manquer de respect envers le alim, mais c'est surtout parce qu'on a plus de respect pour la vérité que pour quiconque ou quoi que ce soit. Et en même temps aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué dans un hadith que إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a expliqué, il a dit lorsque quelqu'un fait le mujtahid, il fait un ijtihad, il fait un jugement sur une question en particulier et qu'il se trompe, il a une récompense. Mais s'il a la bonne réponse, il a deux récompenses. Donc, peu importe qu'il se trompe ou qu'il ait une bonne décision, eh ben, il est récompensé dans les deux cas. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il est récompensé dans les deux cas? C'est parce que, yani, le alim, s'il était puni pour son erreur, eh bien, il n'y a aucun alim qui oserait même essayer de faire une opinion. Ils auraient peut-être eu peur, yani, de faire une erreur. Alors, yani, ils sont récompensés s'ils se trompent pour l'effort qu'ils ont fait, avec la bonne intention. Mais s'ils ont la bonne réponse, eh bien, ils sont récompensés pour leur ijtihad, pour l'effort qu'ils ont fait, et ils sont, en plus de ça, ils sont récompensés parce qu'ils ont eu la bonne réponse, par la grâce d'Allah. Donc, on blâme pas les ulama pour leurs erreurs, parce que, de toute façon, ils sont récompensés. Et ça, ça concerne seulement l'ijtihad des ulama. Bien entendu, si une personne prétend faire l'ijtihad et qu'il n'est pas parmi les ulama et qu'il se trompe, il sera puni. Ce sera pour lui un péché. Parce qu'il n'a pas atteint le niveau nécessaire de connaissance pour lui permettre de faire des fatawa ou des ijtihadat. Mais si quelqu'un est vraiment parmi les ulama et qu'il fait l'ijtihad et qu'il se trompe, eh bien, il sera récompensé, même s'il a fait une erreur. Et s'il a la bonne réponse, eh bien, Inch'Allah, il sera, yani, doublement récompensé. D'accord? Donc ça, c'est un point que je voulais clarifier. Et puis là, je reviens à ce que le cheikh a expliqué, c'est qu'il dit, il est obligatoire à celui qui a été sincère envers lui-même, lorsqu'il lit les livres des ulama et qu'il a réfléchi et connu leurs paroles, de les mettre toujours en parallèle ou en comparaison avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et car tous les ulama, tous les mujtahidin parmi les ulama et ceux qui les ont suivis et qui se sont, qui ont dit par exemple, j'appartiens à une telle école, ou à une telle opinion de ce chef, eh bien, tous ces gens-là, parmi les ulama, habituellement dans leurs livres, ils mentionnent leurs preuves. Si tu lis un livre de fiqh, dans n'importe quel madhhab, que ce soit dans le madhhab Hanafi, ou Shafi'i, ou Hanbali, ou Maliki, tu vas voir que le chef, il mentionne son opinion, et puis il dit après, et la raison pourquoi je dis telle chose, c'est parce que Allah a dit telle chose et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Et donc, ils mentionnent toujours leur opinion, et leurs preuves avec leurs opinions. D'accord? Et le cheikh, il dit, et la vérité dans un point, souvent, est, en général, c'est une seule vérité. Il ne faut pas avoir deux choses contradictoires qui sont vraies en même temps. والأئمة مثابون على اجتهادهم. Non, c'est ce que le chef il dit ici. Les imams, les a'immas sont tous récompensés pour leur ijtihad, qu'ils se trompent ou qu'ils aient la bonne opinion. فالمنصف يجعل النظر في كلامهم. Donc la personne qui est juste, qui est honnête, eh ben elle regarde, elle médite sur leurs paroles et elle médite là-dessus, elle observe leur façon de, leur méthode, la méthode des ulama, pour essayer de connaître les différentes questions, les différents sujets, et pour essayer d'être capable d'arriver à distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, en se basant toujours sur les preuves que les savants ont mentionnées dans leur livre. Et après ça, la personne qui étudie ça, il va être capable de comprendre à la fin lequel de ces ulama-là est plus proche de la vérité et lequel d'entre eux est plus heureux pour avoir été proche de la vérité par rapport aux autres. Après, il dit وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ في سورة الأنعام هذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة ويقول هو أعلم منا بالأدلة. C'est ce que le chef mentionne ici, il dit à propos du verset, et si vous leur obéissez, vous serez vous aussi, alayhi salam, vous serez vous aussi parmi les mushrikines, à ce sujet de ce qu'ils avaient expliqué la semaine passée, alayhi salam, de ceux qui, les mushrikines qui donnaient des arguments pour essayer de dire que ce qui est Allah, ce que Allah a interdit, il devrait être halal. Alors, Allah a dit, si vous les obéissez dans ça, eh bien, vous allez devenir vous aussi des mushrikines parce que vous allez rendre halal ce que Allah a rendu haram. Et donc, le cheikh il dit, et ça c'est arrivé aussi beaucoup parmi les gens au sujet de ceux qu'ils ont suivis aveuglément. Al-taqlid, c'est un terme qu'on lit dans les livres de Usul al-Fiqh. Et al-taqlid, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre les paroles de quelqu'un sans aucune preuve. Suivre les paroles d'un alim ou d'une personne sans savoir sa preuve, la preuve sur laquelle il s'est basé. D'accord? Et donc, après le cheikh il dit, donc c'est arrivé, ni adam i'tibarihim al-dalil idha khalafa al-muqallid. Donc, parce qu'ils ne prennent pas du tout en considération la preuve, yani, quand, lorsque le alim a fait une erreur. Et il dit ça rentre dans le shirk. Et il y a parmi ces exemples-là d'extrémistes, celui qui croit que de prendre la preuve est une chose qui est détestable ou interdite. Il y en a parmi des gens, parmi certains musulmans, certains groupes, qui considèrent que de demander la preuve ou de suivre la preuve, yani c'est quelque chose de mal. Et même certains croient que c'est interdit de demander la preuve. Ils croient qu'on doit respecter le alim et suivre le alim aveuglément. Et que yani c'est pas nécessaire de demander la preuve du tout. Après il dit, فَمِنْهُ مَنْ يَغْلُوْ ok. Et après il dit, وَيَقُولْ هُوَ أَعْلَمُ مِنَّا بِالْأَدِلَّةِ. Et il dit, comme on avait dit tout à l'heure, ils sont plus savants que nous en ce qui concerne les preuves, alors on n'a pas besoin de leur demander. Hein? Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, bien entendu, ça fait la fitna, yani. Après, il mentionne une autre citation du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui dit, المسألة الخامسة تغيير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار وهي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. Ok. Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il mentionne des cas, puis là, il était arrivé au cas numéro 5, mais il a cité à partir de ce point-là. Il a dit, l'état a changé, les choses ont changé à un tel point que, pour la plupart des gens, l'adoration des moines est la meilleure des actions, et ils appellent ça, yani, la sainteté. Comme on en a parlé beaucoup de fois, les gens qui considèrent que yani, certaines personnes sont saintes, ont atteint un niveau de wali, sont devenus des saints. Et après, il dit, wa'ibadatul ahbar, yani, c'est-à-dire, ils considèrent que l'adoration des moines, ceux qui s'éloignent de tout, qui se limitent seulement à l'adoration, mais ils n'ont aucune connaissance, ils croient que l'important c'est seulement d'adorer Allah, c'est-à-dire de s'éloigner puis de rester juste pour prier, jeûner et tout, et qu'ils délaissent complètement la science de l'islam. Et les autres, yani, qui croient que l'adoration des al-ahbar, yani les rabbins, comme les juifs, c'est yani, uniquement la science et le fiqh, yani, l'étude. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à partir de ce moment-là, quand les gens ont distingué entre l'ibada et l'ilm, ils ont fait une sorte de distinction entre la science et l'adoration. Et ils ont dit ceux-là sont des walis et ceux-là sont des faqih. Ils ont commencé de faire une séparation entre le ilm et l'ibada. Et là, c'est arrivé au point où les gens commençaient à adorer autre que Allah. Et ils ont dit que celui qui adore autre que Allah, c'est-à-dire, ils ont adoré en dehors d'Allah ceux qui ne sont même pas parmi les salihins, c'est-à-dire, parmi ces gens-là qui ont déclaré être des awliya, il y en a parmi eux qui ne sont même pas des salihins. Mais, même s'ils étaient des salihins, c'est interdit de les adorer. C'est pour ça que ici, là, je ne comprends pas exactement ce que le cheikh voulait dire. Mais d'après ce que je comprends, je pense que c'est ça. Et après, il dit, « Ubida bin ma'na sa'li man huwa min al-jahilin. » Ou bien, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est « Thumma taghayyarat al-hal ila an abada min dunillahi man laysa min al-salihin wa abada bin ma'na sa'li man huwa min al-jahilin. » Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que des gens ont adoré autre que Allah et ils ont été considérés parmi des salihins alors qu'ils ne sont pas du tout parmi les salihins. Et dans l'autre cas, ceux qui ont cherché la connaissance, eh ben, ils ont adoré. En tout cas, cette situation-là, je ne la comprends pas bien. Mais peut-être que le cheikh après il va l'expliquer, ça va être plus clair. Après il dit, من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا طاعة علماء الضلال فيما أحدثوه في دين الله من البدع والخرافات والضلالات كإحياء أعياد الموالد والطرق الصوفية والتوسل بالأموات ودعائهم من دون الله حتى إن هؤلاء العلماء الضالين شرعوا ما لم يأذن به الله وقلدوهم فيه الجهال السذج وعدوه هو الدين وعدوه هو الدين نعم ومن أنكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عدوه خارجا من الدين أو أنه يبغض العلماء والصالحين فعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ثم شب على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وهذا من غربة الدين وقلة الدعاة المصلحين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc le cheikh il mentionne, il explique un peu la situation, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde musulman, que les gens ont pris justement les moines et les rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, en obéissant aux savants de l'égarement, c'est-à-dire ceux qui ont inventé dans la religion d'Allah des innovations, des bid'ah et des khurafat et des superstitions et des égarements, comme par exemple de faire célébration de la fête de naissance des saints ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple les turuq soufiyah, les voies des soufiyah, de chercher les intercessions des morts, de leur demander à Allah par eux, de faire des du'as à autre que Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit même parmi ces égarés-là, qui se déclarent des ulama, ils ont même légiféré des choses qui n'ont même pas été permises par Allah. Et les gens ignorants ils sont naïfs et ignorants et ils les ont suivis à cause de ça. Et ils ont considéré ces choses-là comme faisant partie de la religion. Et ceux qui ont par exemple critiqué ces choses-là et qui ont rejeté ces choses-là, et qui ont appelé les gens à suivre ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont considéré comme étant en dehors de la religion. Et ils ont dit que cette personne-là, il déteste les pieux et les ulama et les gens qui sont vertueux. Et ils ont considéré le bien comme étant mal, et ils ont considéré le mal comme étant bien, et ils ont considéré la sunna comme étant une bid'a, et ils ont considéré la bid'a comme une sunna. Donc ils ont tout mis à l'envers. Et lorsque les jeunes ont grandi là-dessus, et lorsque les vieux ont vieilli dans ça aussi, et bien la religion est devenue quelque chose d'étrange. Parce qu'il y a peu de gens qui appellent à la réformation. Et donc c'est à cause de ça que les gens se sont éloignés de la vérité avec le temps. Et ça c'est une chose importante parce que souvent les gens, c'est l'éducation sur laquelle ils ont grandi qu'ils gardent. Quand ils vieillissent après, ils continuent à faire ce qu'ils ont appris dans leur jeunesse. Hein? Et puis, c'est pour cette raison-là que c'est important maintenant d'essayer d'avoir une génération, Inch'Allah, dans laquelle il y aura un plus grand nombre de musulmans qui vont être éduqués sur la voie des premiers musulmans. Comment ils ont compris le Coran et la Sunna. Et lorsque une génération aura grandi sur ça, Inch'Allah, c'est là qu'on va voir un changement qui va se produire dans la Ummah. Mais tant que la Ummah continue à être éduquée sur des méthodologies ou des idéologies ou des méthodes qui sont contraires à la Sunna, eh bien, ils vont continuer, on va continuer le cercle vicieux de cette façon, et puis jamais il y aura un changement réel qui va se passer. D'accord? Donc, il y a plein de groupes maintenant qui sont dans le monde musulman. Ils ont des façons d'éduquer les jeunes, d'éduquer les enfants, d'éduquer les jeunes et de leur enseigner l'islam. Mais malheureusement, ils ne se retournent jamais au Coran et à la Sunna. Ils se basent sur d'autres choses pour essayer de créer un sentiment islamique, mais qui n'est pas toujours basé sur la Sunna. Alors à cause de ça, on voit que ça n'amène pas les fruits qu'on espère. Ça amène pas non plus les fruits qu'on souhaite. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là que c'est important, Inch'Allah, d'essayer de s'éduquer nous-mêmes et d'éduquer les gens autour de nous. Et l'éducation, ça vient avec le ilm, ça vient avec la patience, avec le temps. C'est pas juste d'écouter des speeches émotifs. Comme beaucoup de musulmans aiment aller dans des conférences pour écouter des speakers qui vous donnent des discours émotifs. Pour vous pomper un peu vos émotions. Sauf que lorsque vous sortez de ces conférences, lorsque vous sortez de ces discours, vous vous sentez content, vous vous sentez fort, mais ça s'en va aussi vite que c'est venu. Parce qu'il n'y a rien de constant, il n'y a rien de ferme, il n'y a rien de solide dans ces discours-là. C'est seulement des choses pour, vous monter émotivement. Mais lorsque vous prenez votre temps et vous faites des efforts, et vous fatiguez et vous éduquez en étudiant le Coran, en étudiant la Sunna, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, essayez de vous éduquer sur ça. Et puis, c'est pas quelque chose qui vient juste parce que il y a une cause ou un effet, une chose qui se passe dans le monde. Par exemple, on a bombardé l'Irak. Alors là, la personne se lève, il fait un discours émotif. Pendant une heure, il vous pompe avec plein d'émotions, et là, c'est terminé. Là, vous êtes prêt, vous dites Allahu Akbar. Mais après, deux semaines après, c'est fini. Alors, c'est pas vraiment ça c'est pas ça qu'on recherche. C'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, Inch'Allah, c'est s'éduquer sérieusement. Une chose qui va faire partie de notre vie. Qui va faire partie de notre vie, pas seulement qui change du jour au lendemain avec les événements mondiaux qui se passent dans le monde, mais quelque chose qui va faire partie de notre vie quotidienne et qui va faire partie même de nous-mêmes. Donc c'est ça, Inch'Allah, notre but. Et c'est de ça que je parle. Je voulais mentionner ça parce que c'est important, parce que beaucoup de musulmans on néglige cette question-là de l'éducation, de s'éduquer, d'étudier l'islam. Quand on va aller, par exemple, étudier la science, l'informatique, l'économie ou tout autre sujet, on va écouter les professeurs, on va prendre les livres, on étudie jour et nuit. Quand on a un examen, on fait des efforts. Ça, c'est pour étudier des choses de la dunya. et on s'imagine que la religion c'est pas comme ça. On s'imagine que la religion, c'est seulement quelque chose qu'on s'assoit, on écoute, on vient à la mosquée, et ça y est, ça rentre, puis c'est tout. Non. Les savants de l'islam ont fait des efforts tellement grands pour connaître cette religion, mais ils ont sacrifié tant d'heures, de jours, d'années de leur vie, pour connaître, pour la comprendre, et pour arriver à un niveau de science assez fort pour être capable d'écrire et d'enseigner, de faire des choses. Alors, ces gens-là, ils ont fait des efforts. Et il y a encore aujourd'hui, mashallah, beaucoup d'étudiants de sciences, beaucoup de tolab al-ilm, des gens qui passent leur temps et leur vie à étudier la religion, étudier le fiqh, étudier l'aqida, étudier le tawhid, étudier le hadith, étudier toutes ces sciences-là. Et c'est pas quelque chose qui est limité à un groupe de personnes. Il n'y a pas de prêtre, comme on dit, il n'y a pas de prêtre dans l'islam. N'importe qui d'entre nous est capable de faire ça, de commencer aujourd'hui à essayer de s'éduquer dans l'islam. Et c'est avec cette éducation-là, Inch'Allah, que ça va faire la différence pour nous-mêmes, pour les gens qui sont autour de nous, et pour, Inch'Allah, nos enfants plus tard, quand on va atteindre un certain âge. De commencer à nous acheter des livres, même si, par exemple, on n'est pas encore arrivé à lire l'arabe, mais de commencer à acheter des livres, même en arabe, pour nous motiver à l'apprendre. Parce que si on commence comme ça, ça va nous dire, bon, là, il faut que je l'apprenne, si j'ai les livres. Et donc, si je les ai, les livres, il faut que je fasse un effort pour les comprendre un jour. Ça nous motive. Moi, je me souviens qu'avant que j'ai appris l'arabe, j'avais déjà une petite collection de livres, et j'avais même le Coran, j'essayais de faire beaucoup d'efforts pour essayer de le comprendre. Et ça me motivait. À chaque fois que je me levais, je regardais les livres. Je rentrais à la maison, je regarde les livres. Je les ouvre, je regarde les pages, je regarde les lettres. Je dis, ah, je veux comprendre ce livre. Je veux essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça. Et donc, avec le temps, et alhamdulillah, j'ai fait des du'as. Et puis, Allah, il m'a facilité ces choses-là. Mais c'est juste pour vous dire ça, pour vous motiver. C'est juste pour vous motiver que je vous dis ça. Et Inch'Allah, vous allez voir la différence avec le temps. Inch'Allah, ça va venir. Aussi, cette science qu'on étudie, c'est une ibada. C'est une des plus grandes ibadas. Hein? C'est parmi les plus grandes. Donc, la science qu'on a, c'est jamais perdue. C'est jamais gaspillé. C'est toujours, ça reste avec nous. Et puis, elle nous ennoblit, elle nous élève, cette science. Alors, Inch'Allah, je vous encourage là-dessus. Et je vous rappelle de ça. C'est pour, tout ça, c'est à cause de qu'est-ce que le chef nous a rappelé dans le livre, Inch'Allah. Donc, pour revenir au sujet, le chef, il dit, وَإِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ أَئِمَّةِ الْفِقْهِ الْمُجْتَهِدِينَ فِيمَا أَخْطَأُوا فِيهِ من الاجتهاد مع أنهم معذورون ومأجورون فيما أخطأوا فيه من غير قصد إلا أنه يحرم اتباعهم على الخطأ. Donc الشيخ dit, فكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المضللين الدجالين الذين أخطأوا فيما لا يجوز الاجتهاد فيه وهو أمر العقيدة لأن العقيدة توقيفية تتوقف على النصوص ولكن الأمر كما قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وإن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Le chef, il dit, si c'est pas permis de suivre les imams du fiqh qui sont parmi les mujtahidin dans les choses dans lesquelles ils ont fait des erreurs dans leur ijtihad, malgré qu'ils sont récompensés et excusés pour leurs erreurs, quand ils n'ont pas fait ça intentionnellement, alors on dit que c'est interdit de les suivre dans ces erreurs-là. Et ici, on est conscient que c'est une erreur, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, et on n'a pas le droit de les suivre dans cette erreur. Alors, comment on a le droit, comment on pourrait avoir, comment comment ce ne serait pas interdit de suivre ceux qui sont parmi les égarés, les gens de Bédas, qui ont fait des erreurs dans ce qui est, dans ce qui ne fait même pas partie de qu'est-ce qu'on a le droit de faire des ijtihad, c'est-à-dire dans ce qui est un texte clair du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire aussi parmi les choses de l'aqidah, parce que les questions de la croyance islamique, les questions de qui concernent l'aqidah, eh bien ça fait pas partie des choses qu'on a le droit de faire des ijtihad là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est qu'est-ce qu'on dit, ça s'arrête et ça se limite au Coran et à la Sunna. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ijtihad dans l'aqidah. C'est seulement, قال الله, قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم. On n'a pas le droit de faire des ijtihad là-dedans. Ou dans quoi que ce soit de l'islam qui a un texte clair. Par exemple, Allah, il a interdit l'alcool. Quelqu'un ne peut pas venir pour dire, on va faire une ijtihad pour rendre l'alcool halal. Comme certains musulmans aujourd'hui, ils essaient de dire, on va faire des ijtihad. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré que, pour la femme, ou on va dire, pour la femme, elle doit se voiler. Quelqu'un ne peut pas venir et dire, oh bon, on est au 20e siècle, on va faire un ijtihad, parce que le temps a changé, maintenant on n'est plus au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on va dire que maintenant c'est permis pour la femme d'enlever son voile si elle travaille. Ça, c'est des exemples d'ijtihad qui, en fait, ça fait même pas partie des questions sur lesquelles on a le droit de faire une ijtihad. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte du Coran clair là-dessus, et il y a des hadiths aussi clairs sur ce sujet-là. Donc, l'ijtihad n'est pas permis dans ce sujet-là. Ou, par exemple, un riba, ou al-zina, ou par exemple, l'alcool. Quelqu'un ne peut pas faire une ijtihad pour dire, on va permettre l'alcool aujourd'hui, ou des choses comme ça. L'ijtihad, c'est uniquement dans les questions sur lesquelles il n'y a pas de texte clair dans le Coran et dans la Sunna. Donc, sur ces cas-là, les ulama, pas tout le monde, pas n'importe qui, les ulama de l'islam qui ont atteint les conditions nécessaires pour être capables de le faire, ceux-là, ils vont regarder les textes et essayer d'extraire de ces textes des jugements, des décrets qui s'appliquent à ces causes et à ces nouveaux problèmes que la Ummah traverse, pour essayer de trouver des solutions, mais pas en faisant rendre halal ce qui est haram, ou en rendant haram ce qui est halal, d'accord? Donc ces gens de bid'a, eh ben eux justement, ils essaient de rendre halal ce qui est haram, ils essaient de dire des choses à propos d'Allah dans la religion qui sont contraires à la vérité. Donc ces gens-là, ils font des choses qui ne sont même pas dans l'ijtihad, et donc on n'a pas le droit de croire que c'est permis de les suivre. Et le cheikh, il donne un exemple dans le Coran, et il dit à propos un verset dans lequel Allah dit, et on a donné un exemple pour les gens dans le Coran, des exemples sur toutes choses. Et si tu viens au kuffar, à ceux qui n'ont pas cru en Allah, si tu leur viens avec un verset ou une preuve, eh bien, eux, ils diront, les kuffars, ils vont dire, vous n'êtes seulement que des gens dans l'erreur ou quelque chose comme ça. Donc, Allah, il dit ensuite, c'est de cette façon-là que Allah subhanahu wa ta'ala a scellé le cœur des gens qui ne savent pas. Alors, soit, comme كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر sois patient et endurant, car la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité, et ne laisse pas les gens qui n'ont pas de conviction t'ébranler te rabaisser ou quoi que ce soit, reste ferme sur la vérité. Et après, le cheikh, il dit, وإلى جانب هؤلاء المغرقين في التقليد الأعمى في الأصول والفروع إلى جانبهم جماعة أخرى على النقيض منهم ترى وجوب الاجتهاد على كل أحد ولو كان جاهلا ولا يحسن قراءة القرآن ولا يعرف شيئا من العلم ويحرفون النظر في كتب الفقه ويريدون من الجهال أن يستنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة وهذا تطرف شنيع وخطر هؤلاء على المسلمين لا يقل عن خطر الفريق الأول وإن لم يزد عليه. وخير الأمور الوسط والاعتدال بأن لا نقلد الفقهاء تقليدا أعمى ولا نزهد بعلمهم ونترك أقوالهم الموافقة للكتاب والسنة بل ننتفع بها ونستعين بها على فهم الكتاب والسنة لأنها ثروة علمية ورصيد فقهي عظيم يؤخذ منه ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك خصوصا في هذا الزمان الذي تقاطرت فيه الهمم وفشى فيه الجهل فالواجب الاعتدال بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تساهل ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين ويثبت أئمتهم وقادتهم على الحق إنه السميع المجيب Donc le cheikh dit, il l'explique, parce que comme on a expliqué tout à l'heure, je vous ai dit que il y a parmi les ulama qui ont dit que c'est interdit de ne pas suivre un des quatre madahib. D'accord? Et on a vu que qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est une erreur. Et la raison pourquoi ils ont interdit aux musulmans de sortir des quatre madahib, c'est parce qu'ils ont peur de qu'est-ce que le cheikh va mentionner tout de suite maintenant. En fait, le cheikh, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a dit, et après on va revenir à qu'est-ce qu'il vient de vous expliquer. C'est parce que le cheikh, il dit, dans l'autre extrême de ce groupe dont on vient de parler, des gens qui interdisent, qui obligent les gens à suivre aveuglément les paroles des ulama, il y a un autre groupe qui disent que c'est obligatoire à tout musulman de faire l'ijtihad, même s'il est ignorant, et même s'il ne veut même pas lire le Coran, il croit que c'est obligatoire pour chaque musulman de faire des ijtihad d'eux-mêmes, et de ne jamais regarder dans ce que les ulama de l'islam ont écrit sur le fiqh ou quoi que ce soit d'autre. De se baser seulement sur leur raison et de juger d'après leur opinion personnelle. Et ils veulent, dire aux gens ignorants qu'ils sont capables de faire sortir au extérieur des jugements et des décrets, du Coran et de la Sunna, sans, avoir aucune référence ou de se référer aux paroles des ulama de l'islam. Et il dit, et ça c'est une forme d'extrémisme, très, très grave. Et c'est le danger de ce groupe, et n'est pas moins grand que le danger du premier qu'on a mentionné tout à l'heure. Même parfois, il peut être plus grand encore. Et ça, cet exemple-là, c'est l'exemple des gens aujourd'hui là, qui se disent, soit qu'ils se disent modernistes, ou qu'ils se disent laïcs, et des fois, ils se prétendent être des réformateurs. Ils se prétendent être des réformateurs alors qu'ils n'ont rien à voir avec la réformation. Parce que réformateur dans l'islam, ça veut dire quelqu'un qui ramène les gens à la sunna qu'ils avaient délaissée. Mais ça ne veut pas dire des gens qui essaient de changer l'islam pour faire plaisir ou pour être en accord avec les non-musulmans ou quoi que ce soit d'autre. D'accord? Alors il dit le danger de ces gens-là est aussi grand que le danger des premiers et même qu'il peut être encore plus grand. Il dit le mieux c'est d'être dans dans le milieu. Dans le milieu, et comme on dit par exemple, d'être modéré. C'est-à-dire ni dans un extrême, ni dans l'autre. Aujourd'hui, quand certains musulmans qui se disent modérés, en réalité sont des extrémistes. C'est-à-dire, l'extrémiste, c'est quoi? C'est soit que tu ajoutes ou que tu enlèves. Tu ajoutes trop ou tu enlèves trop. Et ça, c'est l'extrémisme. Donc, il y en a parmi les musulmans, qui font rien de l'islam et qui disent, moi je suis un modéré. Je ne suis pas un extrémiste. En réalité, ce sont des extrémistes. Parce qu'ils enlèvent trop de l'islam. Le modéré, c'est qui? Celui qui se limite à ce qui vient d'Allah et de son messager et qui suit la vérité. Et c'est lui, même si ça ne fait pas plaisir à un groupe ou à un autre, le but c'est qu'il soit en train de suivre ce qui vient d'Allah. Et c'est lui le modéré. Donc, le cheikh, il dit, le mieux c'est d'être modéré, d'être dans le milieu. Et c'est exactement la vérité. Et, c'est-à-dire qu'on ne doit pas suivre aveuglément les savants de l'islam dans le cirque ou dans un sujet quelconque, mais en même temps, on ne doit pas complètement rejeter leurs paroles et leurs sciences. Hein? C'est pas, on va pas rejeter tout ce qu'ils ont dit qui est en accord avec le Coran et la Sunna. On doit l'accepter. Parce qu'il y a certains musulmans aujourd'hui qui disent, ah non, je veux rien savoir de aucun savant, qu'est-ce qu'il a dit. Je veux seulement y en y voir le Coran et la Sunna. Mais ça c'est une erreur, parce que parfois certains ulama, ils ont dit quelque chose qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Et donc, et en dans ce cas-là, ça vient nous aider à mieux comprendre le Coran et la Sunna. Et donc, c'est pas, tant que ça vient pas en contradiction, on doit l'accepter. Et on peut l'utiliser comme un moyen pour raffermir notre compréhension et raffermir notre opposition. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un avant nous qui a dit la même chose. Hein? Et même parmi les ulama de l'islam, comme par exemple Imam Ahmad, qui est mort, je pense, en 190, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour de ce temps-là, qu'il disait, je ne veux pas dire dans l'islam quelque chose si quelqu'un d'autre avant moi ne l'a pas dit. Il avait peur de faire des innovations, il avait peur de dire quelque chose qu'il allait être pris en charge devant Allah, pris pour compte. Alors il disait, je ne veux pas dire quelque chose que quelqu'un avant moi n'a pas dit. C'est-à-dire quelque chose qui est dans la vérité, en se basant sur le Coran et la Sunna. Donc on ne doit pas les suivre aveuglément, mais on ne doit pas non plus rejeter tout ce qu'ils ont dit et de dire aucun, tous les livres qui ont été écrits dans le passé par les ulama, eh bien on ne va même pas s'y référer du tout. On va seulement essayer de comprendre le Coran et la Sunna aujourd'hui selon notre raison et notre logique, et on va interpréter l'islam à notre façon. Ça c'est deux extrêmes. Il dit, le cheikh il dit donc, on doit profiter de cette science qui est dans les livres, et on doit les utiliser pour nous aider à comprendre le Coran et la Sunna, parce que c'est une richesse de science, c'est une richesse, cette connaissance qu'ils ont laissée les ulama. Et c'est une chose qu'on doit prendre, donc qui est en accord avec la vérité, et si c'est en contradiction avec la vérité, on le laisse. Comme les savants du passé faisaient, et particulièrement dans l'époque actuelle dans laquelle on vit, alors qu'on sait que les connaissances des gens ont diminué et que l'ignorance est répandue partout, alors l'obligation pour nous c'est d'être modérés, de ne pas ajouter et de ne pas diminuer, et de ne pas être extrémiste, et de ne pas non plus faciliter trop les choses. Et on demande à Allah de guider les musulmans égarés parmi nous. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On va arrêter aujourd'hui ici et Inch'Allah on continue la semaine prochaine. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oyakum, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah.